Chapitre 27e. Rose et son mari furent deux jours sans se parler. Florence les regardait d'un air inquiet et employait toute sa diplomatie pour les contraindre à échanger quelques paroles, ne fût-ce que pour les menus événements de la vie journalière, mais elle échouait le plus souvent. André essayait de travailler. Il en avait plus besoin que jamais, car son voyage à Paris avait eu pour cause la proposition de travaux de la plus haute importance, tel qu'on en charge rarement un aussi jeune homme. Mais la Providence invisible qui veillait à ses intérêts avait peut-être pensé qu'en épousant une femme telle que Rose, il augmenterait considérablement ses dépenses, sans toucher en compensation le moindre revenu, et qu'en conséquence, il fallait lui venir en aide par des travaux supplémentaires. Mandé à Paris, il avait appris au ministère qu'une place beaucoup plus importante lui serait accordée dans un délai rapproché. Mais il fallait y obtenir quelques titres. On lui avait donc proposé de faire un travail important sur le bassin de la Meuse, travail qui nécessiterait un voyage en Belgique et un séjour de quelque durée dans ce pays. Quelques mois plus tôt, il n'eût pas hésité une minute. Maintenant, il n'était plus libre de ses actions. Que dirait Rose de ce voyage qui n'était pas un voyage d'agrément, mais un temps absolument consacré aux études sérieuses, pendant lequel son mari n'aurait pas le temps de s'occuper d'elle? Le plus sensé serait sans contredit de la laisser à Chartres. Et peu de jours auparavant, André s'y fut résolu, sinon sans regret, au moins sans inquiétude. Maintenant, tout était changé. Pouvait-il confier la liberté et la responsabilité de ses actions à cette femme, qui, par instinct, se révoltait contre toute idée de soumission et de devoir? Le soir du troisième jour, harassé par ses soucis muets, désespérant d'appliquer son esprit à aucun travail tant qu'il n'aurait pas tranché la question, il se décida à interroger Rose. Dès les premiers mots, il la trouva changée. Elle n'était pas méchante, mais seulement volontaire et rebelle. En voyant les traits de son mari se creuser et s'abîmer par la souffrance, elle avait eu pitié de lui. Elle l'écouta, sérieuse, presque souriante. Pourquoi craindrait-il de la laisser à Chartres? Que pouvait-elle y faire de contraire au repos d'André? Alors vous me verriez sans déplaisir vous quitter pour plusieurs semaines, des mois peut-être? Sans déplaisir, non, fit-elle avec ce sourire câlin qui lui donnait une si grande puissance de séduction. « Pouvez-vous me le demander? Mais si ce sacrifice était nécessaire à vos intérêts, pourquoi pas? D'ailleurs, j'aurais la ressource, si la solitude me pesait trop, d'aller vous rejoindre en Belgique. « Vous feriez cela? » fit André charmé. « Pourquoi pas? » répondit-elle avec sa grâce la plus tendre. Il poussa un profond soupir et lui prit une main, qu'il garda dans la sienne. « Ah, si vous saviez, » dit-il, « combien la vie vous serait douce et facile. Vous n'aurez qu'à le vouloir avec un peu de cette bonne volonté que j'y mets moi-même. » Rose ne s'arrêta pas aux reproches sous-entendus dans ces mots. Son mari venait de lui ouvrir un nouvel horizon. Elle n'avait garde de laisser échapper cette heureuse chance. « Vous êtes un puritain, mon ami, » lui dit-elle doucement. « Vous vous êtes élevé vous-même dans des idées de morale austère que j'admire, mais que je ne comprends pas toujours. » « Moi, je ne suis qu'une enfant de hasard, élevée à la diable. J'ai mes préjugés comme vous avez les vôtres, seulement ils sont diamétralement opposés les uns aux autres. Ne me traitez pas en enfant qu'on reprend et châtie, ayant moi plus de confiance. Vous m'aimiez autrefois avec tous mes défauts, auriez-vous cessé de m'aimer ?» La main que tenait André frémissait dans la sienne. L'attrait tout-puissant que cette femme exerçait sur lui tourna une fois de plus la tête à André. Il s'en voulait de ne pas savoir résister à la tiédeur voluptueuse de cette main, et il ne pouvait la rejeter loin de lui. Rose le tenait par un lien terriblement fort, plus fort que tous les raisonnements, que toute l'éducation, la morale, le devoir, l'honneur, un lien de chair que rien n'attaque tant qu'il subsiste, mais qui tombe tout en poussière, le jour où l'âme se retrouve et se dégage de la domination du corps. Ce jour-là, la chaîne est rompue à jamais et ne saurait se renouer. André était encore dans la période où l'on succombe. Il se laissa aller aux douceurs fiévreuses d'une réconciliation. Mais à mesure qu'il s'enfonçait dans cette vie d'orage, il sentit de plus en plus que, s'il aimait encore sa femme, ce n'était plus comme une maîtresse, et il s'aperçut qu'en l'épousant, il avait fait une folie. Le surlendemain, ils quittèrent le bord de la mer. Le mois de congé d'André s'était écoulé, et sa réponse était attendue au ministère. Honteux de sentir Rose lui tenir par des liens si forts, alors qu'il eût voulu la traiter avec une impartialité absolue, il se résolut à partir, espérant que de loin il redeviendrait maître de son jugement, qui près d'elle était en péril. Il fut convenu à leur passage rapide par Paris, où ils restèrent à peine une journée, qu'André partirait pour la Belgique la semaine suivante. Ce fut une semaine très affairée. Ce séjour qui, sans être très long, devait pourtant excéder les proportions d'une excursion ordinaire, nécessitait de la part d'André quelques préparatifs, surtout sous le rapport des livres et des cartes. Rose fit ses malles avec une activité surprenante. Elle trouvait du temps pour tout, de la place pour tout, et de plus une bonne volonté souriante qui la rendait adorable. « Tu es donc bien contente qu'il s'en aille ?» lui dit Florence d'un ton soucieux, un soir qu'elle empilait des papiers précieux au fond d'une valise. Rose ne prit point un air fâché pour répondre. « Cela nous fera du bien à tous les deux, » dit-elle de sa voix la plus mélodieuse. « Nous pouvons nous aimer à condition de nous séparer de temps en temps. Enfermés ensemble, nous finirions par nous entre-dévorer. Tu n'as pas besoin de me regarder d'un air si scandalisé, c'est l'exacte vérité. » Le jour de son départ, André s'aperçut qu'il avait oublié de demander un renseignement important à l'architecte de la cathédrale, qui avait promis de le lui donner. Avant l'heure du train, il lui restait largement le temps nécessaire pour l'obtenir. Il se rendit donc au domicile de l'architecte, qui était sorti. Apprenant qu'il le trouverait sans doute dans la crypte qu'on réparait alors, il se dirigea vers la vieille église d'un pas rapide. Il entra sous les voûtes basses et massives de la chapelle souterraine, éclairée par la lueur des cierges, où les peintures murales, presque totalement effacées, semblaient flotter comme des ombres indistinctes. Peu préoccupé de l'aspect mystérieux de ce lieu qu'il connaissait à merveille, il s'enfonça plus avant, jusque dans la longue galerie éclairée du dehors, qui longe le chevet de l'abside, et c'est là qu'il trouva celui qu'il cherchait. Leur entretien ne fut pas long. Quelques notes prises au crayon suffirent à l'ingénieur pour graver dans sa mémoire ce qu'il voulait retenir, et il revint seul, à pas lents, le long du large corridor voûté. Les lustres primitifs, formés d'un cercle de fer garni de pointes pour supporter les cierges, se succédaient à perte de vue comme des perles enfilées. La lueur jaune et tremblotante de la cire, effacée d'abord par l'éclat du jour, s'accentuait dans l'ombre, et vers le fond de la galerie, l'autel doré de la Vierge mystérieuse semblait entouré d'étoiles. On eût dit le ciel sombre du mois d'août. Çà et là, une dorure luisait d'un éclat étrange. Une dentelle de fer cuivré se détachait sur un foyer incandescent formé par un triangle de fer chargé de petits cierges votifs. Depuis combien de siècles ces mêmes triangles supportaient-ils les offrandes des cœurs brisés ou reconnaissants? Dans la crypte, hors quelques vieilles femmes agenouillées, André ne rencontra personne. Au moment où il passait devant l'autel, une forme élégante se dressa devant lui. C'était une femme voilée, vêtue de noir, jeune et d'une distinction exquise. Il la suivit à quelque distance, l'admirant instinctivement dans la grâce de sa démarche encore souple, quoique lassée. Arrivée près de la porte de sortie, elle trempa ses doigts dans le bénitier et se retourna vers le sanctuaire. André tressaillit de surprise. « Mademoiselle Marguerite ?» dit-il à demi-voix. Il avait plusieurs questions sur les lèvres, mais il n'osa parler, tant la jeune fille avait en elle de réserves pudiques et de douloureux accablements. « Monsieur André, » fit-elle avec une singulière douceur dans le tremblement de sa voix émue. Elle garda le silence un moment. Ils étaient debout l'un devant l'autre, comme le jour, qu'ils n'avaient pas oublié. Ils s'étaient vus pour la première fois penchés sur l'enfant nouveau-né. « Je viens de perdre ma mère, » dit-elle enfin avec un regard qui implorait la pitié dans ses yeux bruns, où les larmes à peine taries remontèrent à flots pressés. « Pauvre, pauvre enfant, » murmura André, le cœur plein de sympathie débordante. « C'est triste, » dit-elle de sa voix enfantine. « Nous avons reçu la lettre tout à l'heure. Je n'ose pas pleurer à la maison, cela fait du mal à ma sœur. J'étais venue ici. » « Adieu, monsieur. » Elle se détourna rapidement, André la rejoignit. « Je suis forcé de partir tout de suite, » lui dit-il, « sans quoi je serais accouru chez vous. Dites à Langlois de m'écrire. Madame André a mon adresse. » « Mon cœur saigne avec le vôtre, mademoiselle. » Elle secoua douloureusement la tête. « Vous étiez orphelin de bonheur, » dit-elle avec sa naïveté enfantine. « Vous ne savez pas ce que c'est, mais moi. Et elle est morte loin de nous. Adieu, monsieur. » André eut envie de la prendre dans ses bras, d'appuyer sur son cœur plein de pitié la jolie tête fatiguée, d'essuyer d'une main pieuse les yeux baignés de larmes. Il n'y avait aucun droit, pas même celui de serrer fraternellement la petite main gantée qui retombait le long de la robe noire d'un air si désespéré. « Adieu, mademoiselle, » dit-il avec regret. Elle avait déjà fait un pas, elle se retourna, et le saluant d'un signe de tête sans le regarder, elle ajouta « Je vous souhaite un bon voyage. » Ce fut tout. Elle disparut, et quand André, respectueusement resté en arrière, sortit à son tour, elle n'était plus sur la place. Il rentra chez lui presque en courant, embrassa Rose à la hâte et se rendit à la gare. Lorsque, seul en wagon, il ferma les yeux pour rassembler ses pensées, il vit doucement émerger de l'ombre étoilée d'une chapelle souterraine, le visage désolé, les yeux bruns éperdus et les cheveux dorés de Marguerite.